بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في المسألة التاسعة وثمانين 89 مسألة toujours dans la deuxième partie. في قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Que celui à qui Allah, celui qui veut cette dunya, ainsi que sa parure, nous le rétribuerons de leurs œuvres en cette dunya, et ils ne verront rien de ce qui leur doit comme étant diminué. Sourate 15, verset Hud. Afouen. Sourate Hud, verset 15. Donc, la dernière fois, on avait pris la première réponse de l'auteur, qui est que Allah Azzawajal donnera à certains et pas à d'autres. Pour pouvoir lier au fait que certains versets disent que les kuffars, leurs œuvres à la base ne sont même pas acceptées, quoi qu'ils fassent, qu'ils n'ont rien du tout, et d'autres qui disent que leurs œuvres sont acceptées en cette dunya et pas dans l'au-delà, et d'autres qui disent qu'ils seront acceptés ni en delà ni dans l'akhirah. Et d'autres qui disent qu'ils auront, comme le hadith, ils seront nourris et qu'en fonction de leurs bonnes actions, ils pourront tirer du risque. Naam. قال الآن نأخذ الأجوبة الثلاثة الأخرى. Trois autres réponses. قال الثاني وهو وجيه أيضا. Troisième réponse qui elle-même est également correcte. أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك كما صرح به تعالى في قوله نوفي لهم أعمالهم فيها. Donc le kafir, le mécréant, sera récompensé par ses œuvres, par la bonne santé, مثلاً. Ou par du risque de la subsistance par des enfants et autres. Comme cela est démontré clairement dans le verset où il dit dans le sens « Nous les rétribuerons, c'est-à-dire cette dunya, pour leurs œuvres. » Et qu'à la fin du verset, il dit bien également qu'ils ne verront rien diminuer de ce qu'ils auront accompli. وفسرها ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك كما نقلوا عنهم ابن جرير. Donc également ça c'est la parole de plusieurs mufassirin comme les a cités. Donc Ibn Jarir a cité leur parole dans son tafsir. قال ولا هذا فبطلان اعمالهم في الدنيا بمعنى انها لم تعتد بها شرعا في عصمة الدم ولا ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك ولا تفتح لهم ابواب السماء ولا تفتح لها أبواب السماء ولا تسعد إلى الله تعالى بدليل قوله تعالى إنما يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Donc il dit maintenant en quel sens ces œuvres sont annulées, dans quel sens, du fait dans cette dunya qu'elle, au point de vue de la législation, elle ne leur apporte rien, c'est-à-dire que leur sang ne devient pas illicite, qu'ils n'héritent pas, donc qu'on n'hérite pas d'eux, qu'on ne se marie pas avec eux, mais qui ne se marient pas avec nous, hormis exception faite pour les hommes musulmans qui se marient avec les kitabiyat, et autres. Et également que leurs œuvres, c'est-à-dire que les portes des cieux, ne s'ouvrent pas pour recevoir ces œuvres-là. Dans le sens où Allah dit que c'est vers lui que monte la bonne parole ainsi que l'œuvre pieuse, et qu'il élève, c'est-à-dire que les bonnes œuvres montent vers Allah Azzawajal. Leurs œuvres, elles ne montent pas vers Allah Azzawajal. Ça, c'est surat Fatir, verset 10. Voilà. ولا تدخر لهم في أعمال النافعة ولا تكون في كتاب الأبرار في العليين وكفى بهذا بطلان. Donc ces œuvres-là ne sont pas mises de côté, c'est-à-dire par la suite pour en tirer profit dans l'au-delà, et qu'elles ne sont pas notées dans le livre des gens pieux في العليين, et cela suffit à démontrer qu'elles sont invalides. قال وأما مطلق النفع الدنيوي بها فهو عند الله كلا شيء. نعم. كلا شيء فلا ينافي بطلانها بدليل قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Donc maintenant le fait que de dire que ces œuvres là qu'elles leur apportent un profit en ce bas monde, mais qu'elles ne valent rien auprès d'Allah Azza wa Jal, cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas invalides, car dans le sens Allah dit que cette vie de ce bas monde n'est que illusion et tromperie. Al-Imran, verset 185. Et également le Hadith, le fer, verset 20. وقوله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Et qui dit que sa vie de ce bas monde n'est que distraction, futilité et jeu. Et que la vie de l'au-delà, c'est celle-là la vraie vie. Si seulement ils savaient. Al-Ankabut, l'araignée, verset 64. ثم قال ومما يوضح هذا المعنى حديث لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. Et parmi les choses qui couvrent cela, c'est le hadith qui est venu, disant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait rapporter de lui qu'il ait dit que si jamais la dunya avait un certain poids auprès d'Allah azzawajal, c'est-à-dire le même poids, ne serait-ce qu'une aile de moustique, si elle avait la valeur d'une aile de moustique, que le kafir n'aurait même pas pu avoir une gorgée d'eau. C'est un hadith rapporté par Ibn Kathir en tafsir de son verset. Et également, At-Tabarani a rapporté une autre version qui est لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شيئا. Dans le sens où le Nabi صلى الله عليه وسلم dit, qui fut rapporté de lui qu'il aurait dit, que si jamais cette dunya avait la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah Azzawajal, que le kafir n'aurait rien reçu. Et ces deux hadiths, à la base, comptent une faiblesse dans les rapporteurs, mais l'auteur dit que c'est une faiblesse avec laquelle, lorsqu'on joue entre les hadiths, ils se renforcent l'un l'autre, ce qui amène à ce qu'on puisse les prendre comme argument. Que le hadith est valable yurtajubi. Non. Car la faiblesse elle-même n'est pas forte. Donc ça, c'était la deuxième réponse. Que, en fait, leurs actes leur sont rendus par la santé, par les biens, les enfants et les alikas. Thumma qal, athalith, troisième réponse, anna ma'na nwafi ilayhim a'malahum. Le sens dans le fait que Allah dans le sens, il dit, nous leur rétribuons leurs œuvres, c'est-à-dire en cette dunya. أي نعطيهم الغرض الذي عملوا من أجله في الدنيا كالذي قاتل ليقال جريء والذي قرع ليقال قريء والذي تصدق ليقال جواد فقد قيل لهم ذلك وهو المراد بتفويتهم أعمالهم على هذا الوجه. Donc maintenant c'est le fait qu'en fait Allah Azza wa Jal leur fait obtenir qu'ils puissent arriver à l'objectif qu'ils ont visé par ces œuvres. D'accord ? C'est-à-dire, ces œuvres-là, ils ont fait pour la dunya, donc ils ont eu ce qu'ils voulaient, en réalité. Comme l'exemple de celui qui a tué pour qu'on dise qu'il était courageux. Celui qui lit le Coran pour qu'on dise que c'est un lecteur, un recitateur. Ou celui qui fait l'aumône pour qu'on dise qu'il est généreux. Et que cela a été dit dans le hadith. C'est-à-dire, tu n'as fait ça d'accord que pour qu'on dise que tu es généreux, et les gens ont dit que tu es généreux. Donc ça, c'est le sens de voulu par le fait que Allah leur donne ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils veulent la chose dans cette dunya, ils le font pour ostentation, pour obtenir un rang auprès des gens, et que ce rang-là leur est donné. قال ويدل على يدل له الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعا في المجاهد والقاري والمتصدق أنه يقال لكل واحد منهما أو منهم إنما عملت ليقال قد قيل comme nous l'avons dit dans le hadith. Il est rapporté par Al-Tirmidhi et son origine est dans عند مسلم. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait tout cela, le combat fi sabilillah, le fait de lire le Coran et d'être généreux pour que les gens les vantent. Donc ça c'était la troisième réponse. Quatrième réponse, an al-murad bi al-ayah al-munafiqun alladhina yakhrujuna lil-jihad la yuriduna wajha Allah inma yuriduna al-ghanaim fa innahum yuqsamu lahum fiha fid-dunya wa la hadha lahum min jihadihim fil-akhirah wa al-qasamu lahum minha wa huwa توفيتهم أعمالهم على هذا القول والعلم عند الله تعالى. Donc quatrième réponse, c'est ce qui est voulu par là par le verset. Il s'agit des munafiqoun, des hypocrites qui ont fait le combat, qui sont sortis au djihad fi sabilillah, et que en combattant ils n'ont pas voulu pour cela le visage d'Allah Azza wa Jal. Ils ont juste voulu avoir le butin. Alors leur butin leur a été accordé. C'est-à-dire ce que Allah leur a attribué dans ce bas monde comme bien et que rien ne leur fera diminuer, c'est leur part de butin du combat qu'ils auront accompli. Bien que ce combat, ils l'auront accompli pour autre que Allah Azza wa Jal, donc fil akhira, il ne vaudra rien pour eux. Hada wal khurasa, les quatre réponses données par rapport à ce verset. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.